tu veux redire quand ce sera à la radio? J'ai des gars un peu partout qui me lancent des pierres, qui me lapident comme l'idiot du village. Je cours à la nage en sueur avec ma sœur et avec du cœur et douceur. Sans douleur, avec mon fric mal lavé, délavé par ma sueur, par ma suite. On évite. Ouais, bah tu lui demandes. Sans trouver de faim. Tout le monde au micro. Tout le monde au micro. J'arrive pas à lire. Tout le monde. Tout le monde. J'entends rien. J'entends rien. Vas-y, Dominica. J'ai l'essentiel dans ma poche, comme un pli, un filon, un pocket. Fais la quête sans pelette, à compter comme du beurre, comme un leurre. Okay. Entraîne-toi, entraîne. C'est Enzo qui est avec nous. En fumant un gros pot. C'est la métamorphose. Ouais, c'est tout dans ton cœur, il n'y a pas dans ton cœur. Voilà. Prends le micro, essaye. Je suis en merde dans ma tête. Un deux à deux. Tu entends bien? Un deux à deux. Ouais, tu entends bien. Ouais. Avec mon phone, mon envoi. Vas-y, à fond. À la cotine, en regardant Colette, dans mon cortex. J'ai compris tout le monde. Sans faille, séisme. Continue. Je suis parti en Kazakhstan avant le Karet et Maïti qui participaient à la première fois en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Pas photo, on savait déjà le vainqueur avant le début du match. Bon, pénalty à la 25e minute, transformé par le buteur Kylian Mbappé. Bon, c'est toi qui commence par un triplé. 25e minute. Radio Metanoia, la radio du parano paranormal. Voilà, tu dis ça, mais attends que c'est dans quelques. Bon, alors, on a fait le programme ou pas? Ouais. Vas-y, Adrien, qui est ton chat. Bon, on est dans 21 minutes plus tard, 73e minute, triplé de Mbappé. 83e minute, Edouard Camavinga. Et Brahim Diaz dans. Il y a un petit écho là. À la fin du temps additionnel. Ouais. Ici, tu as une place, regarde. Une manita pour Real Madrid, 5-0. Score final 5-0. Au stade Ortalik Stadion, en Kazakhstan. Ah non, là, c'est pour ça que je voulais écrire. Ok. J'ai pas fini. Bah vas-y, continue. Je m'entraîne. Ouais, t'entraîne-toi, j'essaye de te mettre un truc de fond, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien. Mais tu as une connexion, tu peux lancer ton. Juste mon tunique. Non, mais moi, tu me connais, moi, j'interviens en quand il y a des interviews. Ça a coupé, hein, comme une vedette qui a loupé sa carrière de. Un de à deux. J'ai pris un jet privé. Tu fais comme tu peux. Okay. Sinon, ouais, en première classe. Et je suis parti à Marseille, c'est le vélodrome. Ouais. Où Marseille recevait l'Ajax Amsterdam néerlandais. Et il n'y a pas photo. Et les deux premiers buts de Igor Paxiao, le Brésilien. Des petites pauses et concentrations pour venir à la. Ces deux premiers buts avec l'Olympique de Marseille. Omniscient va répondre. Ouais. Sixième but et douzième minute. Sixième minute et douze. Et un doublé de Igor Paxiao, donc, le Brésilien. Aujourd'hui, on a quelqu'un. Sixième et douzième minute. T'appelles après. Nascimento. Un but de Greenwood, l'anglais. À 26e minute, 3-0 à la mi-temps. Et pour finir, Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, 52e minute. Score final 4-0. C'est excellent. C'est Dieu qui parle. J'ai des gars un peu partout. C'est bien, hein, t'as envie de faire des choses. Ok, me la pique comme idiot du village. Non, on n'a pas un fils, on a un joueur avec ma soeur. Et avec mes cœurs et douceur, sans douleur, avec mon fric mal lavé, délavé par ma suite, on est en 10 minutes, sans trouver de sortie, comme si que l'on m'avait jeté un sort, et c'est plus fort que moi, dans mon émoi, de ma foi, comme un faisant griller qu'on met. Et bon, tu peux en dire, c'est la marque, on fait du racisme. C'est quoi ton truc? Il faut te mettre moins fort. C'est quoi ton... Il faut que tu regardes avec elle. J'arrive pas à lire. C'est là. Ouais, là. Non, mais regarde, quel est ton casque. Je suis aveugle presque. Pupille sans le chic. Merde à celui qui le dit. Tu l'as dit, mon parti. Pupille. Épipé par les chauves. C'est comme la voix. C'est comme la j'ai l'essentiel dans ma poche comme un pilote, un pickpocket qui fait la quête sans bolette, à compter comme du beurre, comme un leurre, un clown, en fumant un gros cône du côté de chez Swan, comme un âne, son âme s'emmerde. Attends, je mettrai un autre truc. Dans ma tête, je suis corrompu, sans balancer personne. Avec mon phone, mon Android, à la nicotine, en regardant Colette dans mon mets complexe, ton sans faille, le glycéisme, chatavin, et ravi tout le monde. On me laisse dire ou pas là ? Vas-y, au micro. Un autre, il y a le micro et ma feuille en même temps, en bleu. Alors, en noir, on va te mettre un autre micro. En tu noir, peux, Jérémy, tu peux le prêter quand il parle parce que trop tu peux pas tenir goût dans le micro là. Une table ronde. Il faut que tu fasses. Non, il faut faire. Là, il faut faire le mieux que ça. C'est vrai. Non, mais parce qu'il ne peut pas lire si tu ne le passes pas ça. Un bonificateur. Attends le facteur. Pour du boulot, je te fais un lot sans loterie. Juste une lanterne de shit dans ma chute. Je fuis les keufs. C'est moi le meilleur. Je distribue toute la scène. C'est pas comme Brésil. Je suis masqué sur ma moto. On est à deux, mains sont magnétiques. Vas-y. Sans trembler allô de peur ou de pleurs. Spike Domo. Sans trembler de peur ou de pleurs. En sueur. Spy, S-P-Y. Je dis Amen. S-P-Y, Inch'Allah. Spy, je passe. M-O, je passe. D-A-U-X. Par Amiens, la Bretagne, avec mon Max. M-A-U-X. Mon shit. Mot de tête. J'abreuve tout le monde à Marseille, sans oseille. C'est bon? Il y en a un qui me fait. Ah là là, j'ai du mal à lire, excusez-moi. Je vais en prendre un autre. C'est ok, continue. J'ai l'essentiel dans ma poche, j'ai déjà lu celui-là. Non. Celui-là, donne-moi celui-là. Je comprends rien. S'il vous plaît. Il faudra que je leur dise tout à l'heure ça. Il est où celui que j'ai écrit, attends, Adrien? Celui que j'ai écrit sur les Irlandais, il est où possible, ça? Vas-y, essaye. Continue à parler parce que. Mais une lettre marche pas bien. Ouais. Le glyphosate. Ouais. L'instant irlandais. On jouait sans pollution, mais des notions et l'émotion. Avec des moutons sous le lit, une litière pour leur chat. Avec la tchatch, sans cachet, sans saut. Qu'avec des sauts, sans être naïf, comme des grenades de barbares. Sans sabre, qu'avec des cascades. Qu'avec des cascades, des volcans en plan, avec du chocolat pour apaiser leur peuple. Sur la table. On the table. L'ambiance, c'est la radio. On dirait pas ça, ça parle dans tous les sens. On dirait un village qui parle en même temps. Sans trop. Yes. Sans tempo, sans rangement. Que des sales, des salauds, sagouins. Attends, vas-y, essaye. La salle. Attends. un cheval en pleine course. C'est vraiment quelque chose au niveau de une, voilà. Rue, là, je suis bien. Moi, enlève le truc et tu le. Oh, non, voyant. Non, pas ça. Enlève le câble. On lève les câbles et puis essaye avant de l'insérer, essaye de le nettoyer, puis le, tu vois, deviens le mettre au circuit. Ouais. Voilà. Je pense que. Alors change le câble là. Enlève, je peux pas les lire. Je vois pas. Ça marche pas les câbles. Ouais. Change de micro. On va enlever. Si c'est branché, on t'entend, mais mets ton casque, sinon on t'entend pas. Attends, il y a un problème. Vas-y. Ces câbles. Essaye avec un autre micro, et sinon, c'est les câbles, tu vois. Alors, vas-y, tu veux continuer le beatbox là ? Tu le fais. Vas-y, prends le micro. La fin, on va finir actuellement. Vas-y, continue de faire le beatbox là. Je suis Martine Levasseur. Je ne veux pas aller à la maison de retraite. Tu l'as mis sur un. Non, je ne veux pas. Non. Essaye avec un autre micro. Je ne veux pas. Ouais, je ne veux pas. J'ai dit, je ne veux pas. Si vous m'énervez, ça ramasse. Passez. On peut le résoudre en un mot. Le programme, il est bordel. D'accord. Vous avez dit, c'est vos balances. Un bordel organisé. On est à 5 minutes. Le programme, il est bordel. Vas-y, essaye. C'est pas moi qui. Yeah. C'est encore le même problème, ouais, c'est le câble. Ok, câble. Poubelle. J'y arrête des temps en scie ou pas dans la case. Dans la case. Ça se jette dans la poubelle parce que sinon on n'a pas case, le temps de le réparer. On se casse. À la poubelle. Oh là là, à avec la poubelle. Caisse, la recette, à la poubelle. Samouraï. À la poubelle. Ça ne fait rien. Avec des oignons. Yeah. Ouais. Oui, à bricoler et fumer son pète entre les uns et les autres, sans caméra, ni marque. Estoy dando vueltas sobre el carrusel, mi cabeza está podrida, se nos quema la piel. À jouer le tyran, le bandit. Ok. Le bandit. J'allais écouter, non, il n'y en a plus. C'est les rats. Rats de goût. Ouais, ça peut être, ouais, ça y est. Rats de goût. Trop de goût, une table ronde, une chaise, un trône, un cône, j'ai déjà vu celui-là. Je vais le refaire, non, j'ai pas envie de le refaire. Trop de goût, une table ronde. Dominique, attends, le oui, mais on va les mettre sur les 4 si tu veux, mais regarde, 4, 4, 4, regarde où il est, toute la Seine-Saint-Denis, où il est branché. Je suis masqué sur ma moto. Bah tu vois, on lève ces câbles, sinon c'est le bordel, tu vois. Sont magnétiques. On va jamais mettre des câbles comme ça. Sans trembler de peur ou de pleurs, en sueur, quand même, je dis Amen, Inch'Allah, je passe ma par Amiens, la Bretagne avec moi, Marc, chic, j'abreuve. Tout Marseille sans oseille. Ça fait deux fois que je lis celui-là, parce que je vois rien, j'ai repris le même. C'est pas grave, c'est bien. Tu as bien branché l'un avec l'autre. Ouais, c'était bien. On a Farouk qui arrive. Vas-y, mets-les sur les 4, comme ça tu auras les 4. Bonjour, venez à la radio. Voilà, c'est super Dominique, c'est bien. Elle est à fond, Dominique, c'est un peu Batman. Nina, Nina, Nina, Nina, allez Nina. Une vitesse, la plus vite qu'elle a pensé. Allez Nina, une danse. Ouais, vas-y, tu peux. Allez Nina. Et Dominique, mets le micro sur ton xylophone, comme ça on peut écouter. Voilà. Regarde, Martha, c'est une chanteuse, tu peux aller dans Irina pour lui mettre de la, des instrus. Je vais faire son instru aujourd'hui. Et c'est très court. Hey. Vas-y, on t'écoute. Alors. L'Arsène Lupin. Sois sage, sois sage, sois sage, Barbara. J'entends ma petite voix intérieure, mais sois rude car ils ne t'ont pas tendu la main face à cette épreuve sur ton chemin. Sois rude et douce avec ceux qui ont besoin. Laisse les gens parler. Aujourd'hui, voici ta réalité. Avant même de penser à l'amitié, pense à prier, car ton seul ami, Camille, c'est l'éternel des âmes. Hey. Et qui commence? Qui commence? Radio les Métanoïa. Tu peux fermer Alain à la porte? Sois sage. Ça, tu as un autre poème? Ok, on est le Métanoïa. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres, mais si ça vient, j'en aurai un autre. Tu veux chanter quelque chose qu'on disait Hey, Métanoïaka. Métanoïaka. Yaka. Une instru. Yaka. La radio du Pico. Métanoïaka est en direct. Une instru. Non, on ne peut pas. Attendez, on va commencer comme ça. Je vais chanter mon poème. Paranoïaque, Paranoïaque. Métanoïaque, Paranoïaque. Justement, je voulais parler de New York. On part de New York, le paranoïaque, pas attends, de... voilà, c'est tous les... Ouais, on tous est les paranoïaques, tous les jeux. Allô, yeah. On a les direct ici, Enzo. L'instru de la dernière fois, Enzo, il est encore. Je sais pas s'il est encore. Prends le micro, prends le toi, Enzo. Mais faut la trouver. Ouais. Oui. C'est Black Ace qui a amené tous les morceaux de musique, là. Car ça ne devrait pas être... Je sais pas quel instru... Les problèmes, c'est Enzo. Si tu entends des instrus, il faut qu'on change de micro. Non, mais qui, tu pas... On peut pas faire la... Mes souvenirs, c'est de la trappe latina. Mais le nez ne quitte pas. Ouais, faut voir sur toutes les trappes latinas. C'est un peu douce et... C'est pas nos balances. Arrête. Un instru douce et calme. Bon, métamoniaque. Non, mais non. Non, parle pas. Non, ça, vas-y, c'est un peu trop, on est ça, on présente ça l'émission, trop, là. Je fais ma chronique. Je fais ma chronique. Je vais commencer. Non, mais quitte pas. C'est vrai, c'était 3 ou 4. C'était vrai. Laisse-moi parler. Ok, je fais avec un autre. Arrête, ça va rentrer dans ma tête. Ok, on peut faire avec ça. Ok. Bar. Ouais. Raphaël, Lala. Allez, Enzo. Ouais. C'est quoi? Sois ça. Barbara. J'entends ma petite voix intérieure, mais sois rude car ils ne t'ont pas tendu la main. Passe cette épreuve sur ton chemin. Sois rude et douce avec ceux qui ont besoin. Laisse les gens parler. Aujourd'hui, voici ta réalité. Avant même de penser à l'amitié, pense à prier. Car ton seul unique ami, c'est les hommes désarmés. Sur le chemin, le chemin. Là où il y a l'initié, va-t'en loin. Là où il y a l'initié, va-t'en loin. Là où il y a la haine, va-t'en loin. Ceux qui te font de la peine, ceux qui te font verser des larmes et qui te font mettre la haine. Ceux qui t'ont agressé et qui t'ont malmené depuis que tu es enfant. Parce que tu viens des Caraïbes peut-être, parce que tu es noir peut-être. Je ne sais pas pourquoi ils ne t'aiment pas. Tu ne sais pas pourquoi ils ne t'aiment pas. Le Saint-Esprit parle au-dedans de toi. Il ne comprend pas cette complexité. L'inimitié qu'ils ont envahi en toi. L'inimitié doit être chassée. La haine que ce peuple a envers toi. Il faut le chasser. Je suis parti en Kazakhstan. Je dis Amen. Gloire au Seigneur. J'ai pas éraqué l'avion. Ma main qui tend sa main vers les hauts plus hauts des cieux. au plus haut des cieux. Je sais que je peux rentrer en transe et que je peux la faire pleurer en abondance, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Car je veux être calme, être calme, calme, calme, calme, calme, calme, calme, calme, calme. Sois sage, sois sage, sois sage, Barbara. Sois sage, Barbara. J'entends ma petite voix intérieure, mais sois rude. Quand une grande battante dit la main face à ses épreuves, sur son chemin, sois rude et douce avec ceux qui ont besoin. Laisse les gens parler. Aujourd'hui, voici ta réalité. Avant même de penser à l'amitié, pense à prier. Car ton seul unique ami, c'est l'Éternel des armées. C'était Bar, Raphaël, Lala, né dans les Hauts-de-Seine, et fier d'être française, fier d'être caribéenne, fier d'être caribéenne et fier d'être française. Désiré Doué, Ousmane Dembélé qui a gagné Ballon d'Or, bravo. Absent. Barbara, la prod. La pro. Barbara, la fait pro. Que le Barça va. Tu veux faire un de tes poèmes sur un truc parce que j'ai honte à jamais. Ni moi, je pense que t'as un potentiel, Dominique. Ouais. Même si à Vitinha, je pense pas qu'il va marquer. Il a un potentiel exploité sur c'est... Le Barça, tu gères ça, monsieur M. Réel. Tu gères ça, monsieur M. Il se dirige vers les barrages. C'est en réalité maintenant. Pour l'instant, ils ont fait un sans faute. Trop de boules. Avant de. Les trois dernières rencontres qu'ils ont gagnées. Une chaise. Ensuite, un pro, y a un cône. Borussia Dortmund face à Bilbao. Juste un qualificateur. Attendre le facteur. Pour du boulot. Ah là là, je te fais un lot sans lanterne. Sans loterie. Juste une lanterne, pardon. De shit dans ma chute. Et Arsenal, je fuis les keufs. C'est moi le meilleur. Je distribue toute la Seine-Saint-Denis. Je suis masqué sur ma moto. Mes mains Arsenal sont magnétiques. Sans trembler Sporting de Portugal. Peur ou de pleurs. En sueur. Comme même. Je dis Amen, Inch'Allah. Je passe par Amiens, la Bretagne, avec mon macro. Mon macro. Shit. Grâce à un doublé j'observe de tout Marseille de sans oseille. Qui n'avait pas marqué. Il y en a qui. En début. Qui n'avait marqué qu'un seul qu'un but dans l'intersaison. Attiré à trois. Je parle bien le sûr trio de Marcus Rashford. Mousquetaire. La Trinité. Allez, Barcelone. Il faut gagner la ce vie, soir. Une cigarette d'étang. En psy. Au parc d'Amnastag. On se casse merci. Avec la caisse, la recette, merci. Merguez, frites, samouraïs, non, sauce algérienne avec des oignons. Qu'il faut écraser le Paris Saint-Germain. Et à faire. Non, parce qu'il y a beaucoup d'absents, donc Barcelone va gagner. Et à faire un peu de poignons. Non, mais moi je préfère. Cro-Magnon. Macronyme. C'est mon club favori. Acronyme. Macron président. Avec des grosses dents. Va te faire voir. Et dents partout pour la législation. Avec dit, beaucoup d'options et des sujets, des hommes de valeur ou pas, de velours, t'aimes pas le foot. Si, comme un gage. Ours, voilà. À picoler et à fumer son pet entre les uns et les autres, sans caméra, ni marre de café, que buter des tisanes, pas la goal, à jouer le tyran, le bandit, goal, le truand. Scélérat, ras d'égout, c'est la goal de Versailles, à trotter c'est moi à Paris. Dans l'égout. C'est lui Paris. Non, mais Charles de Lyon. Bon, j'ai mon texte. J'ai l'essentiel. Non, pas tout de suite, Dominique, dans ma t'inquiète, poche. Je suis jeune, te comme un pickpocket qui fait oui, la oui, quête. Tu auras l'occasion, t'inquiète. T'es sans belette, à compter okay. Comme du beurre. Donc on vient de finir avec comme un leurre. Avec un clown, un clown, en fumant un gros cône, du côté John, de chez Swan, comme John un âne, sans âme, sans de merde dans ma tête. Je suis corrompu coup, sans balancer personne, Matteo, qui avec mon phone, mon Android, à la nicotine, en regardant Colette dans mon cortex, sans fraille ni séisme, qui sévit et ravit Funk tout le monde. 10, monsieur M. Voilà, on balance. Afrobeat 10 non, Funk Brésil 10. Oh, okay. Funk Brésil 10 pour lui. Brésil. Bonjour. Yes, c'est bien. Ouais, moi ça me fait penser à Oxmo Puccino. Ah ouais? Et qui? Ouais, tu connais pas Oxmo Puccino? Non. C'est un des boss du rap français. Ouais, un peu la même diction. Un des boss du rap français. Du coup, j'ai envie de t'appeler Domi Puccino, tu vois. Ouais. Moi ça me fait penser à Renaud un peu aussi. Qui? Oui, Renaud? Non, Renaud. Oh, ouais, ouais, ouais. Il pose comme Renaud un peu. Je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, avec l'instru comme ça, rap, c'était vraiment. Du Oxmo. Ouais, ouais, ouais. Du Ox, ok. Ouais, ouais, non, il y a c'est du un potentiel. Bon, les trois textes, elles sont ensemble. Là. Ouais, c'est bien. Et là, on va continuer avec un texte, le même son. Attends, ton nom artistique, j'arrive. Tu fais les bacs, les cœurs. Les cœurs, ouais, les bacs. Bar Raffaelli, la la R. Voilà. Bar Raffaelli, ma Valère. Et monsieur, on va faire tourner le micro. J'aimerais entendre la jeune demoiselle. Ouais, après, c'est vrai. J'ai Quentin aussi. Mais Quentin, il faut qu'il arrive. Antonio Valère. Je vais vous aider, t'inquiète, je vous attends. Tu peux y aller avant. Ton prénom c'est Antonio. Naïma, tu peux y aller là. Ça y est, le micro est à toi. Matteo, Statue. Ah, tu vas changer. Non, parce que je vais. On va changer. Tu veux quoi? Trop d'énergie. Il y a trop d'énergie. Les métanoïaques, ils sont trop d'énergie. Trop d'énergie en manège. Le manège. Okay. En chantier. Merci pour la prestation. Merci. Du coup, on pense un jour tu feras animateur. 5 brésiliens, oui. T'inquiète, tu feras animateur. Matheus. Non, je sais pas, t'inquiète. Vas-y, on voit qui commence. Matheus. Le programme est incroyable. C'est quoi ça? La fête. Il y a Alain qui va nous. Du Brésil. Je t'en prie. Est-ce que je veux dire la chanson? Vas-y, fais-nous un petit texte, dans là. Ouais, incorporé dans ton Android. Technologie sociale, matrixée, attristée, rien de fantastique, changement de tactique et l'univers de même sur la liste, sur capitaliste, cette lutte sur ma vie, la capitale ma vie, marque à parole ma vie, mission ma team, je surfe avec la mort afin de mieux apprendre la vie, Francis, pas besoin d'attendre la nuit, pour que je t'habille, plus proche que, ok, plus proche de badass que de Batman, on peut t'abattre si tu parles, man, étape par étape, on n'est pas d'être échec, man. Il est nécessaire de oui je m'y connais. Parfois dans le verre, pour faire la monnaie. Il est nécessaire de oui je m'y connais. Parfois dans le down, pourtant y a la monnaie. Comme un tout pour tout, en toute chose pour le. Ok. Comme un tout pour tout, en toute chose pour le mieux c'est mieux. Comme un jour pour jour après que je laisse des adieux au PME. Tous dans le rythme de l'algorithme d'un corps social paradis. Tous dans le rythme de l'algorithme d'un corps social paradis. Désespéré, je pars d'ici. Techno-monnaie, techno. Matrixé, attristé, rien de spécial. Ouais. Bravo, il est 6h, ça y est. On a le temps, bon. Encore 6h. 8h, on va entendre. Dans Barbara, va répondre avec un autre propos. Là. Oh, Barbara, là, tu commences à dire qu'on fasse notre propre. Qu'on s'appelle notre propre. vrai album. Moi j'ai tellement de textes, j'arrive pas à les trouver. Tu vois, des rythmiques à nous. Excusez-moi. Ok, quoi? J'ai tellement de textes, j'arrive pas à les retrouver. Ouais. C'est un prétexte. Ouais. Non, parce que je vois rien. Album, moi je suis pour. Hein. Monsieur, la semaine prochaine, j'aurai des lunettes. Là, on est de retour, Metanoïac. On est de retour, le Metanoïac, sur cette moment. C'était quoi comme musique déjà? J'ai pas suivi. The Charmels, As Long As I Got You. As Long As I Got You. Oui, ça a été samplé dans le rap français, mais j'ai oublié qu'il y a le chanteur de rap français à samplé ça. Ah ouais? Alors, les connaisseurs du rap. Temps, environnement, tu connais pas dans quel. Où ça t'est samplé? J'ai oublié, Ouais, non, j'arrive pas à voir. C'est pas grave. Ça, c'est bien, c'est pas de la trappe. C'est de la trappe. Ça s'appelle juste Tag. Mais mes potes préféreraient que ça s'appelle Opossum. Barbara la Mélo. Alors. Vas-y, on te Barbara la Mélo. Il faut juste que je comble vite fait quelques secondes. Bar, Raphaël, Lala. Là, il va mieux, il fait moins de bruit. L'art permet de se découvrir soi-même. Dans son état intrinsèque. C'est en créant que l'on apprend à s'écouter. Lors de ces temps de création, on peut constater ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois, c'est une très grande tristesse qui prédomine dans le corps, qui pense alors à créer avec intensité pour se libérer. C'est dans cette approche que l'art est avant tout pour moi thérapeutique. C'est lors d'une agression faite sur ma personne par trois hommes que j'ai décidé de me consacrer à l'art thérapeutique. Le 7 janvier 2016, il était à peu près 21h. Après descendu du bus que j'avais l'habitude de prendre, je me suis dirigé vers la route la plus proche qui amène à mon domicile. Quand j'étais descendu du bus, je pense que les hommes me surveillaient et m'ont suivi. Car je marchais sur un pont pensant à une seule et unique chose, étant mon linge dès mon arrivée. Vous savez, je suis de confession chrétienne et une fervente croyante. Lorsque je marchais sur ce pont, j'ai entendu audiblement dans mon esprit le verset 4 du psaume 23. Ouais, à part ça. Alors, et dès que j'ai entendu en moi ce verset et que le moment lui était dit, un homme marchait derrière moi, mais je ne le savais pas. Il m'a attrapé par derrière, il s'est collé à moi. Il a mis sa main sur ma bouche pour m'empêcher d'hurler. Il a bandé mes yeux pour m'empêcher de voir. Au même moment, les autres ont pris mon sac de force et se sont mis en face de moi. On fouillait dans mes affaires, cherchant je ne sais quoi. Au même moment, l'homme qui me tenait de force me jetait dans l'oreille, chute. J'ai essayé de cacher mon portable. J'ai fini par le donner de peur de mon souffrance. Ce même criminel s'est mis à siffler, je suppose que c'est le signal pour finir l'agression. Car dès son sifflement, les deux autres m'ont tout volé. Et sont partis en courant. Celui qui me tenait de force par derrière m'a ensuite relâché et m'a frappé pour que je tombe à terre. En avant, quand j'étais au sol, il est parti en courant. Je fais cette dédicace à toutes les femmes, qui sont mortes à cause d'un féminicide, à cause d'une maltraitance faite par des hommes. Je fais cette dédicace aux femmes. Aux femmes qui donnent la vie, sur cette terre, c'est toi, hein. Et qui permet la prospérité sur la terre. Oui, les femmes, nous sommes à respecter. Je fais cette dédicace aux femmes. Moi, j'en suis une. Et je suis fière d'être une femme. Vous me devez le respect. Vous qui m'avez agressé dans un hôpital. Vous qui m'avez fait du mal. Vous qui m'avez ignoré. Quand j'ai demandé à l'aide. Vous me devez le respect. Je crois en Dieu. Je suis croyante. Et je sais que Dieu va me faire justice. Face à la justice, l'injustice qui m'a été faite. Je prie au nom de Dieu. Et je dis que Dieu va me faire justice. Amen. Sur la capitale de France. On a un ciel nuageux. C'est du boom bap, ça, tu sais, au niveau du BPM. Et tu t'en sors pas mal sur du boom bap. Tu sais que le boom bap, c'est des vrais rappeurs qui font ça. Les autres, ils font de la trappe et de la drill, mais les vrais rappeurs, ils font du boom bap. C'est ce qu'ils appellent le rap conscient. Oui, c'est du rap conscient. Donc, on va te faire kiki sur du boom bap. T'es à l'aise avec le boom bap. On gagne de l'argent, des pognons. C'est ce style de musique. Qu'on n'a pas en des arts sur des arts. Heureusement, sur quoi t'es à l'aise. Moi, je pense que tu pourrais pourrais nous faire des merveilles sur de la trappe, toi, Dominique. Amour. Ah, à toi, ouais, excuse-moi. Voilà, on va dire, Nathimène, l'argent, tout la France a besoin d'amour dans ce monde paranoïaque. La France a besoin d'amour, t'as dit? Mais pourquoi elle a dit ouais, c'est vrai. Jésus, je sais pas. Jésus, tu me chamais du tabac. Tout le monde a besoin d'amour. Le monde a besoin d'amour. C'est pas normal. Attends, mais Jésus, tu peux trahir de gros bisous. Ok, mais play, c'est pas grave. Arrêtez le vice de fumer du hash. Apprêtez-vous à connaître un odeur sans pour autant tomber dans l'enchaînement. Un boulot. Voilà, c'est dingue. Sur les antennes métanoïaques. C'est-à-dire que l'amour peut trahir. Des USK qui donnent ça. Non. Pas l'amour, c'est le faux amour, ça, non? La vie est mal, depuis que j'ai arrêté le vice de fumer du hash. Apprêtez-vous à connaître un odeur sans pour autant tomber dans l'enchaîneuse. Un mec sympa, depuis qu'il fume plus shit. Everybody, my name is nobody. Somebody to love. Mon nom est personne. Plus je concentré quand tu es délivré, amour, moins taré respect. Quand tu croises dans la street. Alors des fois, les histoires de mafia, oh, de Seiya, certes il aime bien ça, mais dans les films où il y a une morale à la fin, pas comme dans la réalité où des milliards de gens crèvent de faim. Pendant qu'une cinquantaine de pélos nous font les poches, comme les gars du ghetto font les vélos pour deux trois roches. Puiser dans les réserves de ma décence pour pas se vénère contre le voisin bobo qui me toise, qui me danse. Pas chercher des noises au premier venu, juste pour défouler, lui taper dessus en tremblant comme sous palu. Arrêtez de s'étouffer à 4 du mat pour pouvoir mieux procéder à l'attaque du mec. Manger des chinois à 60 dollars, c'est pas raisonnable, mais manger du riz au sel ou se laver avec du sable, c'est pas des lol. Demande aux aborigènes ou aux sans aborigoles, si transporter sur Timbuktu qui lui met du pétrole, c'est cool, ou si ça constitue un dol, un crime, un attentat contre la nature. Les potentats veulent que la terre de guerre sature, que celui qui fondait un empire faire fortune ne t'endort. Ces scribes leur balancer leur premier caillou, de préférence de pur que gras, ou bien que les cœurs noirs qui n'ont jamais trop marre, de banquer une petite nature, passe pas les relous, et passe ton. Les pleurs d'un enterrement, juste pour féliciter d'être un bon gars. Et c'est vrai récompensé pour toutes les fois. J'ai pas décompensé, j'ai pensé à rester droit. Ou comme disent les caries, si j'avais eu un dollar, à chaque fois qu'on s'était mépris sur moi, j'ai un putain de connard. Mais j'ai pas eu 10 milliards, j'ai à chaque fois que j'ai eu affaire à une hyène. Ça fait de moi un gars qui est là, mais un gars qui n'en mène pas si large. Mais si j'avais dû jouer le killer, autant que j'ai joué le barge. Y'en a plus d'un qui serait plus là, mais je m'égare. Et je suis pas un chien ni un cheminot, donc j'entre ni à la niche ni à la gare. Mais gare, c'est un rêve bleu, sortir mon proche de la galère, surveiller mes arrières, sortir les poches de ma galère, surveiller mes arrières. Bah ouais, c'est une guerre à faire. L'homme a les droits, l'humain a des devoirs. L'homme a les droits, l'humain a les devoirs. L'homme a les droits, l'humain a les devoirs. L'homme a des droits, l'humain a des devoirs. L'homme a des droits, l'humain a des devoirs. Avec ma zik qui atteindra péniblement 30 vues sur YouTube. Je me barre, c'est tout un art de s'en battre. Pendant que ces connards, avec leur succès, leur genre, mes oreilles vivent rebattre. Solo dans mon délire, délivre-moi du mauvais sort et des livres que je ne veux pas du lire. Ça veut rien dire et c'est pas le pire. Le pire, c'est que je m'amuse à Péra. Pendant que d'autres battent avec des rats pour dormir, je suis bien tranquille. Et je t'avoue que j'aime bien qu'il ça. L'instru est nif, alors j'arrête de kick ça. Pas tout à fait, alors je m'accroche au récif de la mélodie. Quand j'y pense, y'a jamais une mélodie qui s'est accrochée à mon morsif. Mais en fait, je m'en pète, je suis satisfait. Et toi, auditeur, auditrice, j'espère que quand le mix sera fait, tu seras satisfait, satisfait. Je suis auteur, et j'espère bien que j'ai trouvé une co-autrice. Quand on colérique, quand il m'arrivera de faire l'autiste. Parce que des fois, y'a un hic et je deviens psychotique, c'est trop triste. Bienvenue dans la vie de l'artiste qui fait plus cheap. Ouais, c'est ça les bacs. T'as pas d'inspiration, mais fais pas de rime alors. Parle normalement. Je sais pas faire de rime. Et tu peux parler, t'exprimer vite, comme là, on s'appelle. Quelques questions. Numéro 4, tu rappes. Non, là, on parle, là, on parle, tu vois. Ben, je vais faire un débat politique. Ah, je réponds à tu veux faire un débat. Qu'est-ce que t'en penses de la France qui aide l'Ukraine? Chez moi. la Russie, les pays de l'Ouest. Après et j'ai mixé ça. Et on se retrouve là maintenant tout de suite, français dans la merde, les Ukrainiens, ils viennent, ils squattent. Qu'est-ce que t'en penses? Tu pourrais venir vers nous, Michel et Bakis. Vas-y, rêve sur les guerres dans les pays. Israël, Palestine, si qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais faire un album pour le conflit. T'es pas quelqu'un de pacifiste? C'est l'année 2026, on va se faire. Ouais, c'est vrai. Si tu veux, on peut aller sur ce terrain, on va pas y rester longtemps. Je ne connais que dalle à l'histoire du conflit entre Israël et la Palestine. Donc, je peux pas m'impliquer dans quelque chose que je connais pas. Je sais juste que j'ai. C'est pas les Américains les coupables, c'est l'Angleterre. C'est qui ont foutu la merde et qui sont partis. L'Amérique, c'est l'une des plus grandes puissances politiques après la France. La France est très bien développée. Plutôt que l'Amérique encore plus. Tout est une affaire de colonisation. C'est vrai ce que tu dis. Parce que ça soit pas. Mais tu sais, l'homme, il a mis tellement de bordel sur la planète que. Moi, je reviens en Côte d'Ivoire et là, tout de suite, on peut se recevoir en France. Ah non, mais nous, on gagne tout. Mais tu sais, l'être humain en soi, hormis son ses origines, hormis son ethnie. Hormis, il reste avant tout une espèce humaine. Et l'espèce humaine est l'espèce la plus mauvaise sur cette terre. Adam et moi, j'ai jamais son sur YouTube. Hein. J'ai pas besoin de. Qui croque la pomme d'Adam, qui nous fait une étape jaune masterisée. Ouais, ça va. Tu peux faire ce débat avec Dominique. On pense pas que Internet. Adam et Eve, il est noir maintenant. Adam et Eve, tu connais Adam et Eve, toi? Moi, je prends Adam et Eve. Pourquoi on croque la pomme? Moi, je suis Adam et Eve. Croque la pomme, moi, je suis Eve. Non, tu peux les accrocher au mur. T'es une nana. Je suis pas nana, je suis maman. Et puis tu peux le vendre. T'es maman. Oui. Tu peux me balader avec 2-3 Au début, c'était blanc. Ah, Adam et Eve. Et pour calmer le jeu, ils ont dit qu'ils étaient noirs. Adam et Eve. Pour calmer le jeu. Parce que les noirs, c'est les plus intelligents. Ils ont plus de centimètres cubes dans le cerveau que les autres. Ça s'achète encore. Ça se calcule en centimètres cubes, le cerveau. Il y a le négroïde, le synanthrope et le caucasien. Le caucasien, c'est le blanc. Ils l'ont trouvé en Russie. On ne sait pas si les bulgares, yougoslaves. Polonais, alors que la Géorgie est aux États-Unis aussi, et le négroïde, ils l'ont trouvé en Afrique, les synanthropes, c'est l'Asie, un moyen de c'est l'Asie, par exemple, sur ton ordinateur, et on ne sait pas qui c'est le premier. L'Asie, richesse culturelle, parce que au niveau de l'occipital, il y avait un trou. Ils sont en guerre contre la France là en ce moment, les pays de l'Ouest. Ouais, je ne parle pas de ça, je parle d'Adam et Ève. Les Cro-Magnons protégeaient Adam. Ukraine, Israël, Palestine, c'est un conflit qui date, on n'était même pas nés. Israël, Palestine. On n'était même pas nés, c'est pour ça que moi je m'implique pas. J'étais pas né moi, je peux pas m'impliquer. J'étais pas né. Tu connais Impliqué 140? Oui, oui, c'est un rappeur. Oui, oui, c'est un rappeur. Je le connais avant. Tu connais le Bruno? Non, le mic, je le connais pas. Je le connais pas. Tu connais le Bruno Francois encore du Sud? Non, mais attends, mais si on entre dans ça aussi. On rentre pas dans le. Au Congo, il se passe des trucs aussi, tu vois. Au Congo, c'est pareil. La bombe atomique. Ouais, et en Birmanie aussi, tu vois, il y a un peuple en Birmanie qui s'est parlé 5 minutes. Vas-y, le Palestine, c'est le pire, c'est un conflit qui date depuis 2000 ans. Je me rappelle plus maintenant, coupe la parole. Pas né que cette terre, elle existait. Ils ont fait qu'elle était en feu, la terre. Il y a eu les Israéliens et les Palestiniens, ils se sont divisés, il y a eu des musulmans et des tribus. Se sont entendus, les politiciens ils sont arrivés, ils ont voulu séparer des terres. Il n'y avait pas de politiciens, il y avait des tribus. Il y avait des politiciens, même en Grèce antique, ils connaissent la politique. C'est les Étrusques, toutes les écoles. Les Étrusques, les écoles juives, les écoles musulmanes, les écoles grecques. Les Étrusques, c'est bien avant les Grecs. La Grèce antique, les Étrusques, tu connais les Étrusques? Les Étrusques? Ouais, tu connais? C'est quoi les Étrusques? Alors tais-toi, je vais t'expliquer. Me tais pas, besoin de mort, je te laisse le soin de baver. La rage sourde, colère sourde. Quand je me pose en bas sur le banc, y'a pas de rivière qui sourd. Les gens connais qui ont 2-3 temps, t'expliques leurs conneries, leur plus que 2-3 bourdes. Les Étrusques, c'est les Grecs. Ils ont trouvé en Grèce démêler les vrais. Il y a un homme sur la fresque. Est-ce que c'est une fresque? C'est un dessin sur les murs de la grotte. Oui, merci, t'es pas aux autres. J'ai assez de bédaves de joints qui Frédéric, c'est mon frère. Mes foins de ces bêtises, maintenant je tisse. Et il y a un individu sur la fresque qui est pour l'éternité sa femme avec un instrument de musique. Le mec, tu me laisses pas finir. Je reste sobre. Tu me laisses pas finir. Pas de salsa. Et les étrusques, ils vivaient comme les Polonais, vivaient comme les étrusques. Donc c'est les Polonais qui sont un police tchèque, ça veut dire jou. Dans par le jou, c'est les Polonais qui ont inventé la police. De penser avec lesquels je ne peux que danser. Police tchèque, ça veut dire jou en polonais. Gnos, c'est le nez. Stoupin, c'est les fesses. Et Macron, c'est mon cul aussi. De rappeurs à peine nés, qui étaient déjà trop peinés. C'était déjà là avant que t'écoutes. La vieille qui aide les scouts du quartier. On a pris pendant longtemps, somme toute. Mais avec ce mauvais froid, ce mauvais temps, je risque d'attraper un Médine à la Mecque que l'Alta. Le tabac va tomber, que le musulman vont crier à la Mecque et l'Alcaba va tomber. Prophète Mohamed est soi-disant enterré à l'Alcaba. Vous voyez l'Alcaba, c'est quoi? Non, ouais. Moi je suis Médine, ma mère c'est la Mecque. J'ai compris, parce que sinon Dieu il aurait déjà éliminé la terre. Et Médine, exactement. Heureusement qu'il y a des gens qui prient, sinon Dieu aurait détruit la terre depuis longtemps. Heureusement qu'il y a des plus gentils que des méchants. J'aime pas shooter, j'aime bien shooter. Heureusement qu'il y a des méchants. Non, oui, bah oui, je vais pas shooter. Pour faire apparaître les plus gentils, ils sont de l'âge de l'âge de bronze. La législation est tout le temps plus de du bronze. Je viens de réaliser quelque chose en fait. Le problème, il est là. Pour comprendre le conflit israélo-palestinien, je vous écoute. Pour ne citer que j'aurais adoré les faire cuire sur site comme un Jedi avec un putain de site. C'est ce qui se passe exactement entre Israël et Palestine. C'est dialogue de sourds. Lui, c'est un Israélien, moi, je suis palestinienne. C'est pour ça, dialogue de sourds, c'est la base. C'est pas un dialogue de sourds, ce sont des qui parlent de paix. Si vous deux, vous pouvez et pas vous entendre, comment eux ils vont pouvoir s'entendre? Je m'entends pas. Si vous deux, les étrusques qui avaient une coupe de vin qui s'appelait le vin de Caliré, et avec les initiés qui avaient le droit de les prendre. J'ai un texte, j'ai quelque chose à dire, parce que là on a parlé beaucoup de guerre, beaucoup de guerre. Alors j'aimerais dire, la question à se poser en tant qu'artiste, c'est est-ce que l'on crée pour soi-même avec passion dans une optique de partager avec autrui en véhiculant des messages qui permettra à l'humanité de tendre vers une évolution et un nouveau paradigme dans son quotidien, où en tant qu'artiste on crée pour impressionner et faire plaisir aux autres. Là se trouve une réelle problématique à soulever, car l'attitude du premier est reliée à l'art et son énergie. On peut donc créer en totalité et en pleine conscience, ainsi se découvrir de nombreuses compétences en plus des bienfaits que l'artiste peut recevoir. A contrario, la seconde réponse choisie signifie une problématique et ne fait pas partie de l'art et de son énergie, mais elle fait partie d'une problématique envers sa relation à l'art. C'est donc tout autre chose. Cela demande de s'arrêter un temps et de faire une pause, lorsqu'on se retrouve confronté à ce genre de situation. C'est cette pause dans son domaine de création et qui doit se faire avec introspection, qui permettra à l'avenir de ne plus être esclave du regard d'autrui et de l'attente d'une validation quelconque. C'est l'amour que l'on porte à soi, à l'art et son énergie, au domaine de création, qui avec le temps amènerait les bonnes personnes dont de futurs potentiels. Voilà. Pendant que l'on s'accroche à Bravo, bravo Simon. C'est la réalité que t'as dit là. Donc les 5 dernières minutes, on fait quoi? Merci. Je veux finir avec des étruches. On fait quoi pour les 5 dernières minutes? On fait quoi? On est là, il y a la musique de fond là. J'ai mis un peu de hip hop là. Vas-y, on va finir sur ça. Ouais. Tu peux augmenter le mix? que ça s'appelle là. Ta petite l'émission ma vie. Vas-y, ouais. Rap. Tu voulais dire quelque chose de mieux. Non, c'est sur les étrusques. Ah ouais. Le bateau, je savais pas d'où il venait. Qui vit avant la mort, les étrusques. Les Polonais vivaient comme les étrusques. Okay. Il y a une fresque, un homme qui joue de l'instrument de musique et la femme pour l'éternité. Il y a une coupe, il n'y a que les initiés qui avaient le droit de le boire, ça s'appelait le vin de Kairé. Parfois dans le dos. Et l'enfant, ils ne savent pas d'où il vient dans le bateau. Le bateau, ils ne savent pas d'où il vient, s'il vient d'Inde, de Chine, de je ne sais pas quoi, ils ne savent pas d'où il vient, les gars. Et tu connais l'existence de la radio, toi ? Je ne parle pas à toi. En face de moi, en face de moi. Allô, allô. Black Ace. Black Ace. Allô, Black Ace, on t'appelle. Tu connais l'existence de la radio ? Parce que là, tu es sur un poste de radio ici. Tu connais l'existence de la radio ? Quelle radio ? L'existence de la radio. Non, ils ont allumé une radio et on a tous reçu des informations. Il me reste encore de l'animal dans mon ADN, dans mon instance de la radio. Les autres, vous étiez au courant ? Je ne sais pas, Farouk, Adrien, vous étiez au courant de comment il est radio ? Ok. Même toi, monsieur ? Ouais, non, mais ça, c'est quoi ? C'est l'exercice de Marconi, c'est ça ? Il envoie un message, enfin, il envoie un message d'un bateau. C'est Marconi qui va faire un Tesla et d'autres gens. L'IN, l'intelligence naturelle, frérot. On va lire un texte de Klebnikov, Vladimir Klebnikov. Excellent, tout ça. Alors, on va passer. Il y a un film dessus. Parle, mais tu mets un casque si tu entends. Chata 10, il a eu. Un peu rock. Non, 20, il a dit Chata 20, excuse-moi. Oui, c'est à toi. Les gens du Royaume-Uni écoutent beaucoup de The Beatles. Ah, les Beatles. The Beatles. Le groupe de rock. Chata 20. Le groupe de rock. Moi, j'aime bien les gens qui changent de nom comme ça. On a un nouvel invité là. Buenos Aires qui change de nom chaque deux ans. Qui n'est pas habituellement là. Ça s'appelle Nak Abdelhassan. Formidable. Prends le micro déjà, Agnisso, sinon t'entends rien. Bonjour, monsieur. On entend rien. Bah, je reviens. Ah, attends, vas-y. Allô. Là, c'est mieux. Plaisir. Halloween. Je peux pas vous dire autrement. C'est Celtic. Halloween. Mais demain, c'est tout de suite. Hein. Halloween. C'est Celtic. Attends. Demain, ouais, c'est tout de suite. Dans le labyrinthe de la vie. Attends. À bientôt. Attends-moi. Deux secondes que je vais mettre un peu le son, je mets l'instru, tout ça, quoi. Ça va arriver. Ça va arriver, bien sûr, mon frère. Ça va arriver, messieurs, dames. Mettez-le tout de près, ici. Tout est bon. On y va, 1, 2, 3. Ça vient. Dans le labyrinthe de la vie, comme une petite souris qui rigole et qui glisse comme si elle faisait du ski sur la piste noire, comme une libellule sur son nénuphar qui sauve le pharaon et comme un néon toujours allumé, comme un calumet de la paix. En mangeant des raisins secs et du bœuf séché sur leurs chevaux, des mustangs jolis comme tout le reste de la verdure, sans écriture dictée, juste à attendre le bison blanc, le gros Manitou, comme un matou qui court après sa souris et son ordinateur rempli d'informations à trimer comme les chiens des claviateurs, comme des visiteurs fatigués à naviguer un peu partout dans un labyrinthe de la vie. Chacun a ses tiroirs, comme des disquettes d'enregistrement, élevées ou pas, du passé, du futur, de l'avenir rempli d'amour, mais noués par la distorsion des autres, de l'autrui, des phrases trop bien tournées ou trop simples pour certains, les surdoués, souvent au fond de la classe, à manger des bonbons dans son casier du pupitre, toujours penché, égal, scoliose, le dos cassé comme un poil dans la main, souvent la risée de tous. Les élèves, le sourire au bord des lèvres, comme un lièvre courant après ses cahiers. Lourd. Il n'y en a pas d'autres. Mais on va continuer en fait, dans la mesure où maintenant tu vas faire mes bacs. Là, je n'utilise pas de portable, pas de texte, tu vois. Donc enlève tes textes, on y va. On rentre dans la musique, ouais. Ok, je te montre un peu. Vas-y. Monte le volume de l'instru, s'il te plaît, monsieur. Yeah. Ce thème, la santé mentale. Je t'aime de sentiments bad. Ce thème, la santé mentale. Je t'aime de sentiments bad. Ce thème. Vas-y. Je t'aime de mes sentiments. Sentiments, sans mentir, sans mentir. Je t'aime de mes sentiments. Sans mentir, sans mentir. Je mentir bien. C'est ça, bien, t'as capté. On continue? On continue? Continue. Ok. On continue. Ok. Ça fait. Je m'en tire bien. Yeah. C'est du chata, faut se lâcher, t'as capté? Sans mentir, entier, enterré, le mauvais passé. Et le futur revient. Ok. Pas trop sentimental. Plutôt informantal. Pas trop sentimental. Plutôt informantal. Pas trop sentimental. La tête carrée. Vas-y, continue. La tête carrée. La tête carrée. Horizontale. C'est pas carré. C'est pas carré. C'est pas carré. C'est ça, continue. La fondation n'est pas construite. La fondation n'est pas construite. Continue sur les comme une truite. Continue sur les continue. Les truites sont là, la rivière a disparu. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on aime, c'est ça, vas-y, continue. Et ici, c'est la fête de Metanoia. Je vais vous faire une petite imitation. Toujours le même, Belmondo. Eh oui, toc toc, me voilà. Toute boule balayée, toxiquée la cam, la chnouf. Sale flic. Oh, Spidomo. Yes, clap. C'était lourd, rappelez. Ça, c'était du chata conceptuel, là. Expérimental. Chata 2.0. Chata 2.0. Chata 2.0. Bravo, hein. Vraiment bien. Alors, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Le programme, il est fini, en fait. Ok. qu'est-ce qu'on peut faire par-dessus ça? Moi, je dis qu'on finit avec... Spidomo, moi je dis on finit avec Spidomo. Là on a repoussé les limites de ce qui était possible de faire. Non, on a repoussé les limites de la distance. Sky limite, le ciel c'est la limite. C'est le ciel la limite, il n'y a pas de limite ici. Il n'y a pas de limite métanoïaque. Il n'y a pas de limite, c'est le ciel la limite. C'est le sky. C'est le sky. Prends ta mandoline, joue sur ton saxophone. Joue sur ton faxophone. Ton saxophone, ton fax. Quand il sera formé au chata, les filles elles vont courir après lui. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ma voix. Ma voix de garage. Avec le train rempli d'or en Pologne, ils l'ont pas trouvé. Trouver le paquet d'or, il dort bien le paquet d'or. Non, le paquet d'or. Oh, En ce moment, c'est lunaire ce qui se passe ici. C'est lunaire ce qui se passe chez les métanoïaques. C'est lunaire, lunaire. On arrive avec Chanel. Tata Chanel. T'as ton support? Allez-y avec le zilo. Avec le zilo. Le tam-tum. Ouais. Allez la tribu, ouais. Comment d'abord? Tabarab, tabarab, tabarabarabarab. Pap, pararab, pararab, tabarabarabarab, pap, pap. Je rigole pas avec le diable. Je rigole pas avec le diable. Je rigole pas avec le diable. Au secours, au secours, au secours, on est pas fait des courses. Au secours, au secours. C'est qui le diable? Tu peux nous expliquer un peu c'est qui le diable? Moi j'ai vu dans le ciel, j'ai pas eu peur. C'est qui le diable? Dominique. Ah, Dominique. Mais pourquoi tu dis que c'est le diable? C'est quoi ta définition du diable? J'ai pas de corne. Il a pas de corne, c'est vrai? Il a pas de corne. C'est quoi ta définition du diable? C'est quoi ta définition du diable? Joe Garde. Alors j'ai 90. Non, entendeu aí? Arrête, Dominique, Nick. T'as ton parapluie, ton parapluie, ton parapluie, ton parapluie, ton parapluie, ton paradis, ton paradis, ton parapluie, ton parapluie, ton paradis. Et l'arrête pas, casse les couilles. Il apprend le français, hein. Mais Dominique, tu sais que Dominique il est infini, hein? Est-ce que tu sais ça? Il est infini, Dominique, hein? Ouais, je suis pas fini, je sais, je suis infini, indéfini. C'est pas moi qui décide. Je commence à avoir les crocs. Cachez-vous, j'aime bien votre sang. Sans papier, bien sûr. Cache pour toi. C'est un vampire. C'est quoi les caractéristiques du diable, Dominique? Le diable, il est avec Dieu, hein, le diable. Il est avec Dieu. Faut faire rire le diable. Ah. Faut le faire rire correctement sans faire de bêtises. Trop. Il rigole tous les deux. C'est un pacte entre Dieu et le diable, c'est celui qui aura le plus d'âme. Ah. Et il rigole. Ouais, c'est un business. Voilà, c'est un business, Dieu et diable. Ou genre une partie de. Une partie de bière, quoi. Voilà, genre. C'est celui qui remplira le plus de boules. Le diable, c'est l'opposition contrôlée de Dieu. Ouais. Oh, c'est beau ça. Ah, c'est beau ça, tu l'as dit en trois mots, mieux que moi. Extraordinaire. Le breton, c'est ça? Ou comment c'est ton prénom? Alain. Alain. Comme mon frère, Alain. Cool. Et mon fils, Alain. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Comment on peut finir on peut finir la session? Vous avez pas des idées pour finir la session? Dominique, Nick. Ouais, je le sais depuis que j'ai 8 ans, on me le dit ça. C'est toi. Quand tu me donnes le dos et lui, je te nique. Je vais pas ça. J'aime pas ça. J'aime ça maintenant. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose avec un texte de Dominique ou deux textes? après il y en a un qui lit une phrase, l'autre qui lit une autre phrase. Ah bah c'est sur le feuille. Non, dans le journal, il y a des textes. Ouais, mais je crois. Ils sont intéressants. Ah. Mais on va pas les lire, je vous promets. De Dominique ? De... On va réduire le son un peu. Voilà. Et puis on parle de tout ici. On parle de diable, on parle de Dieu, on parle d'amour, on parle de la paix, on parle de la guerre, on parle de tout. On parle de tout et bien. Ouais, c'est la. Il n'y a pas trop de grossièreté, c'est bon. Libre c'est expression. C'est plutôt une séance. Thérapeutique. Ah, ça, on sait ce que. Ouais, c'est là. De thérapeute. De thérapeute à thérapeute. Thérapeute. Thérapeute. Moi, je suis un mur. Thérapeute, poète. Je vais le faire sur mes textes. Ouais. Sur mes textes. Je vais tout faire, moi. Voilà, vas-y, Alain. Lâche-toi avec la guitare. Une métanoïa qui m'a conseillé, Boubou, c'est ça, Boubou. Attends, m'a conseillé de. Ok, vas-y, fais. Eu tenho muito pra falar. Viver o que aprendi. Na vida temos que entender que uns nascem pra sofrer, enquanto os outros ri. Aí, Tim Maia. Bravo. Bravo. Aê, yes, clap. C'est beau cette chanson là. Vous comprenez, c'est dit dans certains la vie. C'est... Traduit mieux que moi. Hein. C'est pas pour souffrir, c'est pour vivre. Ouais, je l'ai plus, tu vois. J'étais dans. Tu peux répéter pour traduire? Can you? Você pode répéter? Você pode falar em français, peut-être? Ouais, mais redis les paroles. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra falar, dizer o que aprendi. Ah, se na vida temos que entender que uns nascem pra sofrer, enquanto os outros ri. Ah, se o mundo entier pouvait m'écouter, ouais. Ce que j'ai à dire, certains naissent pour souffrir, alguns nascem pra sofrer, enquanto os outros ri. Pendant que les autres rigolent. Ça, c'est triste, ça. Ouais. C'est un peu injuste. C'est le Tim Maia. T'as vu le film Tim Maia? Tim Maia. Tim Maia, le film. Non, mais connaissez Tim Maia. Vamos apprendre Tim Maia depois. Mais moi, j'ai pas vu le film. C'est quoi le film? Il y a un film sur l'histoire de, sur la vie de Tim Maia. Si, si. Il est bien? Non, il est bien. Ok. C'est celui du journal. Ah, ça, c'est une chanson de Tim Maia. Oui, c'est ça? Ouais. Ouais. Mais c'est comment il s'appelle la chanson? Quel est le nom? Nom de la chanson? Comment? C'est quoi le titre? Et c'est quelle époque que tu préfères, Tim Maia, toi? C'est l'époque rationale, très spirituelle, ou c'est l'autre époque? Parce que Tim Maia, il a quand même plusieurs phases. Attends. Il a la phase fête, drogue, alcool, et il a la phase spirituelle. Métanoïaque. Si. Toi, il y a une phase de lui que tu préfères? Ah, la phase buena. La phase buena. Team Maya, eh. Team Maya, c'est... Do Rio Pontal. Voilà, là, là. Bientôt, je vais partir à Rio de Janeiro. Ah ouais? Sim, vamos. Ouais. Vamos aí com você. Quando? Quando vai? Depende da... Depende do hospital. Ah. Viagem. Vamos a... On va louer un avion Metanoyac, piloté par Dominique. Oh, wow, wow. Ouh là là là là. Et on va... Sinon, tu as l'autre candidat, c'est les chanteurs de Iron Maiden aussi. Ah, je suis fusilier commando ou colonel, moi. Colonel, on va. Colonel, je suis fusilier commando, je suis un aviateur, moi. Yes, yes. On a un avion pour y aller, là. Boubou, qui est à côté de moi, vient de me suggérer une idée à moi blaquer. Ouais. Faut savoir en fait que la radio c'est aussi une radio thérapeutique et qu'il y a beaucoup d'activités thérapeutiques dans cet établissement, dont le journal du vendredi où plusieurs auteurs nous laissent des textes, ouais. Donc ce que m'a suggéré Boubou, c'est de prendre un texte que quelqu'un a écrit ici et d'y aller au vif pour l'interpréter. Pour l'interpréter, du coup. Monsieur, mais n'importe quel traplatinage pourrait faire vivre ce texte. Mais sur de la traplatinage. J'ai mis un peu de Team Maya pour l'instant. Ok. Mais on peut finir par Team Maya. Le temps que je dise le texte, on peut finir par Team Maya. C'est un chata ou pas ? Traplatina, n'importe laquelle. Le texte, il est court, hein, regarde. Et on finira sur ça. Who, qui belleza. La nature, ça. Histoire de mettre en avant des auteurs, des poètes qui viennent ici. Et voilà des textes que vous avez sûrement pas l'occasion de lire en fait. Ok. Ok. Waouh, ok. Je reste, il reste pas à pas à petit. Je reste, il reste pas à pas à petit. Je pars sur Paris pour m'inspirer, expirer, respirer. Ça c'est à moi. Goudron, ma pollution que je connais par cœur, les lueurs de la nuit, nuit. Comme un inuit débordant l'hiver nu, comme un verre ou en peau. De phoque, un verre en peau de phoque. Yeah. Oui. Yeah. Pas à pas. Pas à pas. Oui. Yeah. Pas à pas. Pas à pas. C'est quoi ça, wesh? Yeah. Pas à pas. Pas à pas. C'est quoi ça? Ah non. Un verre ou en peau de phoque. Suffoquant de chaleur. Suffoquant de chaleur. Sans igloo, juste une tente en guise c'est moi, ça. De maison. Mais ouais, c'est obligé toi. D'acheter maison, sans poisson. Alors qu'il avait gratuit. Pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. C'est moi ça. Ma mortoc délicieux en inuit. Et il a. C'est toi ça. Routeur, c'est moi ça. Et peur des voitures électriques. C'est lui. C'est moi, c'est lui. C'est nous. C'est moi. Les trains hauts lui manquent et les chiens aussi. Non. Les traîneaux. Les traîneaux. Pas les trains, les traîneaux. Je donne pas. Pass. Jesus para uma voiture por Sargé. Voiture Blue. Vamos todos aí na Rio de Janeiro. Para uma voiture por Sargé. Voiture Blue. Voiture Blue, não entendi. Voiture. Pass a pa. Pas à pas. Ok. Le texte est fini, il n'était pas de moi. C'est une interprétation. C'est le mien. C'est vraiment le tien. C'est pas le texte. Ouais, c'est à Dominique. Ok. C'est donc. Attention, voleur Dominique. Présente ton texte alors. Tous les poètes sont des voleurs de feu. Dans lequel tu l'as écrit. Dis-nous le contexte dans lequel tu l'as écrit. Dans le feu, mon texte. Dans le feu, mon texte. Merci Jérémy, c'était, je pensais à quelque chose comme ça, tu vois, je disais ouais, on prend un texte de Dominique, on fait ouais. quelque chose ensemble, ouais. C'est ça parce qu'on... Ouais, mais c'est un hasard, hein. Je savais pas que c'était le texte, son texte. Hein. Ah ouais, ouais, si, si. Dominique, marqué quoi? Un pur hasard, hein. Je savais pas que c'était son texte. J'ai pas signé à Denise. La banque postale, il m'a voté ta Sergi là-bas, voté Blue. Sergi. Non. Georges. Vautier Blue. Comment il s'appelle? Le Georges 5. Spy Modo, c'est un futur. La banque la poste. C'est un futur ghostwriter en fait. Ça veut dire que Spy Modo, en gros, c'est un futur ghostwriter. Il va écrire. Il va écrire pour des gens en fait. Il va écrire pour des gens en vrai. Bah ouais. Futur ghostwriter. Ghostwriter. Ouais. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Bah, il est déjà writer tout court. Ouais, il est writer, mais c'est encore mieux ghostwriter quand t'écris pour des pour d'autres gens. Ah, mais il écrit pour lui. Peut faire des sketchs même. À la place des gens, j'en avais fait plein. Bah du coup la prochaine fois on va avoir un sketch. Ouais peut-être. Et tu distribues les rôles. Ouais bah ouais. C'est vrai. Ouais. Yes, le cirque de Spy Modo. Ouais. Modo. Le cirque des Spy Modo. Sophie elle est pas venue, je suis déçu. Ah ouais. Qui a son numéro à Sophie? Moi je l'ai supprimé donc je peux pas te le donner. C'est Maya. Team Maya, un hommage. On va aller tous à Rio. Hein. Là-bas, il y a des amis à nous. Locura Suburbana, Tapiran, Pirat, Piro, tout le groupe de radio, musique. Je vais contacter quand vous allez. De quelle part de Rio vous êtes bien? Grosso Mileto, je suis de Souris, la plus rapide de Mexico. De quelle part de Rio vous êtes mora? Vous êtes mora, non? Mato Grosso. Mato Grosso, ah, non, non Rio, c'est nord. C'est nord. Quelle cidade? Cuiabá. Cuiabá. C'est bien là. C'est chaud là-bas, mais c'est bien. C'est chaud, on va venir te voir. Tous les métanoïaques en avion conduit par Dominique. Ah mais on volera bas comme ça si on tombe on volera pas d'eau. Encore combien de temps? Le Métanoïac, on est fini là. On est fini là. Où camino de paix. Qu'est-ce qui t'a fait ce micro, Dominique? Ce micro? Attends, il y a notre chroniqueur qui arrive en retard. On va donner. Alors voilà, les amis, à la semaine prochaine. Vida modeste. Il reste 30 secondes pour la gastronomie de Sophie. Il reste 30 secondes, je vais les partir. Ok. À la semaine prochaine, mes amis. Vous la considérez, vous avez pu repasser sur moi, commissaire là. Saiba logo. Está na hora. É agora. Acredite, não duvide. O que já aconteceu. Fase racional. Muitos estão sabendo.